Chapitre 9e. Ça avait été une grosse affaire de dresser le programme de la fête que le Grand International, ou le Grand I, comme on disait déjà en abrégeant son nom, devait donner pour son ouverture. Il fallait quelque chose d'original, de neuf, de brillant, surtout de tapageur, qui frappât l'attention. Et en un pareil sujet, le neuf est difficile à trouver. On a tant fait d'ouverture de n'importe quoi, qui devait être tapageuse, que toutes les combinaisons, même absurdes, ont été épuisées. Il est terriblement blasé sur ce genre de fête, le public parisien, et surtout le public boulevardier. Bagarry avait proposé un acte inédit de sa composition, mondain, léger et piquant. Fastou avait suggéré l'idée d'exposer quelques-unes de ses dernières œuvres. Des pianistes avaient assiégé Frédéric, Raphaël, M. de Chalus et même Madeleine. Des guitaristes espagnols s'étaient offerts. Un Américain célèbre dans son pays pour jouer des airs variés en faisant craquer ses bottes s'était mis à la disposition de Frédéric, qui avait refusé avec autant d'indignation que de mépris. Son cercle servir à de pareilles exhibitions. C'était quelque chose d'artistique, de distingué, de noble, qu'il lui fallait. En un mot, un programme caractéristique qui montra bien à tous dans quelle maison on se trouvait. Un moment, il avait eu la pensée d'obtenir de son beau-frère Faré un petit acte inédit, dont la représentation eût été un événement parisien. Mais le beau-frère avait obstinément refusé, et ce qui était plus indigne encore, le mot était de Raphaël, la sœur elle-même n'avait pas voulu s'interposer entre son frère et son mari pour amener celui-ci à donner cet acte. Il avait eu beau prier, supplier, s'indigner, se fâcher, invoquer la solidarité de la famille, elle avait résisté aux prières comme aux reproches et aux menaces. De l'argent s'il t'en faut, oui, encore comme autrefois. Le nom de mon mari, jamais. Ton mari ne peut-il pas m'aider quand une occasion se présente? Non, quand elle se présente mal. On dirait vraiment que M. Faré nous fait un honneur en entrant dans notre famille. Au moins ferait-il honneur à votre maison de jeu en lui donnant son nom, et c'est pour cela que je ne le lui demanderai point. Nous nous en passerons. Il s'en passait en effet, mais si le programme manqua de cette attraction, il en eut d'autres. D'abord, un dîner pour les invités sérieux, ceux qui devaient largement le payer en service rendu, puis une soirée réunissant une élite de comédiens et de chanteurs, comme on n'en voit que dans les grandes représentations à bénéfice, et à laquelle des femmes seraient invitées, ce qui serait une originalité, une innovation que l'influence du président ferait tolérer, pour une fois. Enfin, un souper. Quand les nappes blanches auraient été remplacées par les tapis verts, et qu'il ne resterait plus que des joueurs dans les salons, la vraie fête commencerait. Adeline aurait voulu qu'on ne jouât point ce jour-là, mais elle avait dû céder aux réclamations de son comité. Tout le monde s'était mis contre lui, même les honnêtes commerçants, ses amis qui, jusqu'à ce jour, n'avaient fait partie d'aucun cercle. Et c'était précisément ceux-là qui avaient montré le plus d'empressement à jouir des plaisirs qu'ils pouvaient enfin s'offrir en toute sécurité. Ce ne serait pas chez eux qu'il aurait à observer son voisin pour voir s'il ne triche pas. Le dîner était pour 8h. Dès 7h30, les invités commençaient à monter le grand escalier, si bien rempli de plantes vertes et de camélias, que le buste de la République, placé dans sa niche, disparaissait sous le feuillage et qu'il était impossible de distinguer si on avait devant les yeux une tête de saint ou d'empereur romain. Dans le vestibule, qui par les dimensions était un véritable hall, se tenaient les balais de pied en grande livrée. Souliers à boucles d'argent, bas de soie, habits à la française fleurs de pêcher, galonnés d'argent. À tous les invités, le secrétaire remettait le programme, et pour quelques-uns, à ce programme, il ajoutait discrètement une petite enveloppe contenant quelques jetons de nacre. C'était une attention délicate dont Raphaël avait suggéré l'idée. Avec quelques milliers de francs, on pouvait donner de la gaieté au dîner, et plus tard, de l'animation, au jeu. Dans le salon, les membres du comité recevaient leurs hôtes, qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart. Adeline, adossée à la cheminée, souriant et accueillant, avait près de lui le comte de Chalus, le général Epaminondas, et l'ancien ambassadeur qui, pour cette solennité, avait cru devoir sortir toutes leurs décorations. Monsieur de Chalus en était si haut cravaté qu'il se tenait raide comme s'il souffrait d'un torticolis ou d'un limbago. Le plus souvent, les dîners d'inauguration sont écœurants par leur banalité. Mais celui du grand I était exquis, ayant été préparé dans les cuisines mêmes du cercle par un chef de talent. Il importait, en effet, au succès de l'entreprise, qu'on parlât de la cuisine du grand I et qu'on sût dans Paris qu'elle était supérieure, de beaucoup supérieure, à celle que pour le même prix on pouvait trouver ailleurs. Au premier abord, une spéculation consistant à donner pour 2,50 francs avec le vin un déjeuner qui en vaut 5 et pour 4 francs un dîner qui en vaut 8 peut paraître détestable. Cependant, elle est en réalité excellente bien qu'elle se traduise par une allocation de 20 ou 30 000 francs aux cuisiniers. Parmi les gens qui fréquentent les cercles, il en est qui savent compter et qui se disent que 2,50 francs d'économie sur le déjeuner, 4 francs sur le dîner, donnent 200 francs par mois, soit 2400 francs par an, ce qui en vaut vraiment la peine. Il est vrai qu'il pourrait se dire aussi qu'il n'est peut-être pas très délicat de faire ce bénéfice. Mais sans doute il n'y pense pas. La cagnotte paiera ça. Et en effet, le paye sans murmurer, car cette perte de 20 ou 30 000 francs sur la table est une bonne affaire pour elle. C'est par le dîner que bien des joueurs sont attirés et retenus, et c'est par le déjeuner que plus d'une cagnotte a été sauvée des justes sévérités de la police. Si bien fondée que sur les plaintes contre un cercle, l'administration y regarda deux fois avant de le fermer. Quand son déjeuner est fréquenté par des gens ayant un nom honorable, des commerçants, des artistes, des médecins, des avocats, qui levés avant midi pour s'asseoir à la table du restaurant, ne sont pas des joueurs de profession. Ceux-là font du cercle ce qui doit être un lieu de réunion, et ce paratonnerre vaut plus qu'il ne coûte. La bonne chère d'un côté, de l'autre l'attention de Raphaël, combinant leurs effets, le dîner fut très gai, et l'on arriva à l'heure des toasts sans avoir conscience du temps écoulé. Ce fut Adeline qui se leva le premier et porta la santé des représentants de l'armée, de la diplomatie, de la politique, des lettres, des arts, du commerce et de l'industrie, qu'il avait la fière satisfaction de voir réunis autour de lui dans un but patriotique. À ce mot, plus d'un convive avait ouvert les oreilles, ne se doutant guère qu'en mangeant ce bon dîner, dans cette salle luxueuse, au milieu de ses belles tentures et de ses fleurs, il concourait à un but patriotique et accomplissait un devoir, vraiment doux, le devoir du cimier de Chevreuil, et aussi celui du château Yquem. Mais Adeline était trop absorbée dans son discours, qu'il disait et ne lisait pas, pour rien boire. Il continuait, et développait la pensée sur laquelle il vivait depuis qu'il s'était décidé à demander l'autorisation de son cercle, et sur ses lèvres voltigeaient les grands mots de Paris Lumière, de ville de toutes les élégances et de tous les génies, de relèvement de la fortune publique par le luxe, de travail français, de production nationale. Si les convives à l'intelligence alerte avaient été un peu surpris d'entendre parler du devoir patriotique qu'ils accomplissaient à cette table, ils ne le furent pas moins quand ils comprirent que l'ouverture de ce cercle n'avait pas d'autre but que de travailler au relèvement de la fortune publique. « En voilà une bonne !» murmura l'un d'eux. Mais les commentaires ne purent pas s'échanger. Bunou venait de se lever pour répondre au président, et aussitôt le silence avait succédé aux applaudissements. C'était un régal qu'un toast de Bunou, qui dépensait des trésors de lyrisme dans ses rapports pour ériger une commune en chef-lieu de canton, et dont le choix d'adjectifs étonnants était affiché dans les bureaux des journaux. Je parie de Louis que nous allons entendre la fameuse phrase « J'ignore si je m'abuse », dit un journaliste parlementaire qui tient mes de Louis. Mais personne ne lui répondit, et ce fut avec raison car le premier mot qui sortit de la bouche inspirée du député fut précisément « la fameuse phrase qui planait sous la coupole du palais Bourbon. « Messieurs, j'ignore si je m'abuse. » Le rire étouffa la reconnaissance de l'estomac, et parmi ceux qui avaient déjà entendu cette phrase célèbre, il y en eut plus d'un qui se cacha la figure dans sa serviette. D'autres se fâchèrent et déclarèrent qu'au lieu de les obliger à écouter ces jolies choses, on ferait bien mieux d'en tailler une petite. Heureusement, les discours tournèrent court. Il fallait enlever les tables pour la soirée. Il n'y avait pas de temps à perdre. En sortant de la salle à manger, Adeline se rendit dans son cabinet, où il trouva sa femme et Berthe qui venaient d'arriver avec Michel Debs. Ils étaient venus d'Elbeuf dans l'après-midi, ce qui avait donné à Michel et à Berthe la joie de se trouver pendant 3 heures, dans le même compartiment en face l'un de l'autre, les yeux dans les yeux, et ils n'avaient pas encore visité les salons du cercle. « Voulez-vous offrir votre bras, ma fille ?» dit Adeline à Michel. « En attendant que la soirée commence, nous ferons un tour dans les salons. Il faut que je vous montre mon cercle. » C'était de la meilleure foi du monde qu'il disait « mon cercle ». N'était-ce pas lui qui avait obtenu l'autorisation de l'ouvrir? N'en était-il pas le président? Ne décidait-il pas des admissions? Tout le monde n'était-il pas chapeau bas devant lui? Frédéric se tenait si discrètement à l'écart qu'il n'avait pas paru au dîner. il se montrera seulement à la soirée, comme bien d'autres. Ils avaient commencé leur tour, Adeline donnant le bras à sa femme, Michel conduisant Berthe. À mesure qu'ils avançaient, l'impression n'était pas la même chez la mère que chez la fille. Madame Adeline se montrait effrayée du luxe qu'elle voyait. Berthe en était émerveillée. Quant à Michel, il n'avait Dieu que pour Berthe. Et s'il ne pouvait être toujours tourné vers elle, il la regardait venir dans les glaces, et par cela seul qu'il la voyait s'appuyer sur son bras, il la sentait plus à lui. À la douceur du contact de la main, s'ajoutait le ravissement des yeux, qu'elle était charmante dans sa toilette rose. Ils arrivèrent à la salle de baccarat, dont Adeline ouvrit la porte, et ils se trouvèrent dans une grande pièce, plus longue que large et très haute, puisque de deux étages on en avait fait un seul en supprimant le plancher. Le plafond était à caissons dorés, et les murs étaient tendus de belles tapisseries tombant sur des boiseries sombres. « Comment trouvez-vous ça ? » demanda Adeline avec fierté. « On dirait une chapelle, » répondit Berthe. En rentrant dans le grand salon, M. de Chélus et Frédéric vinrent au-devant d'eux et les présentations eurent lieu. « Mon cher président, on vous réclame, » dit Frédéric. « Si ces dames veulent bien m'accepter à votre place, je vais les installer. Je resterai avec elles pour leur nommer vos invités. Il faut bien qu'elles les connaissent, puisqu'elles sont les maîtresses de la maison. » Et ce fut réellement un maîtresse de la maison qui les traita. On ne pouvait être plus respectueux, plus aimable, plus mucidant. Madame Adeline, qui avait pour lui une répulsion instinctive, fut gagnée. C'était vraiment l'homme que si souvent son mari lui avait dépeint. Les salons s'emplirent et la fête commença. Comme le programme en avait été très habilement composé, ce fut au milieu des applaudissements qu'il s'exécuta. De tous côtés partaient des exclamations enthousiastes, et les compliments accablaient Adeline, qui ne savait à qui répondre, un peu grisée de ce triomphe. Cependant, tout le monde n'applaudissait point, et dans les coins se manifestaient de sourdes protestations et des impatiences. « Ça ne finira donc jamais, leur bête de fête. On n'en taillera donc pas une petite. » Si Raphaël avait été présente, elle aurait vu que parmi ses mécontents se trouvaient quelques-uns de ceux à qui elle avait eu la prévenance de faire remettre des jetons de nacre. Enfin, la fête s'acheva, et le souper, bien que traînant un peu en longueur, se termina aussi. Les invités peu à peu se retirèrent, au moins ceux qui étaient venus avec leurs femmes. Quand il ne resta plus que des hommes, on envahit la salle de baccarat, et quoiqu'elle fût vaste, on s'y entassa si bien que ce fut à peine si ceux qui étaient assis à la table purent remuer les coudes. « Messieurs, faites votre jeu. » Le jeu est fait, rien ne m'a plu. Le lendemain, les journaux racontaient cette fête, mais ce qui valait mieux, le bruit se répandait dans Paris, se colportait, se répétait, qu'il y avait une caisse sérieuse au nouveau cercle et qu'elle s'ouvrait facilement. Le Grand-Y était fondé.